Sainte Bible selon Saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 64. Oh, si vous ouvriez les cieux, si vous descendiez, devant votre face les montagnes s'écrouleraient. Comme un embrasement, elles se consumeraient, les eaux s'embraseraient, afin que votre nom fût connu à vos ennemis, et que devant votre face les nations fussent troublées. Lorsque vous ferez des merveilles, nous ne les soutiendrons pas. Vous êtes descendu, et devant votre face se sont écoulées les montagnes. Dès les temps anciens, on n'a pas entendu, et on n'a pas prêté l'oreille. L'œil n'a pas vu, ô Dieu, hors vous, ce que vous avez préparé à ceux qui vous attendent. Vous êtes allé à la rencontre de celui qui était dans la joie et qui pratiquait la justice. Dans vos voies, ils se souviendront de vous. Voilà que vous êtes irrités, et nous avons péché. Dans les péchés, nous avons toujours été, mais nous serons sauvés. Et nous sommes devenus, nous tous, comme un homme impur, et comme un linge souillé est toute notre justice. Nous sommes tombés tout comme la feuille, et nos iniquités, comme le vent, nous ont emportés. Il n'y a personne qui invoque votre nom, qui se lève et qui vous retienne. Vous nous avez caché votre face, vous nous avez brisés dans la main de notre iniquité. Et maintenant, Seigneur, vous êtes notre Père, vous, mais nous de l'argile, et vous nous avez formés, et nous sommes tous les ouvrages de vos mains. Ne vous irritez pas trop, Seigneur, et ne vous souvenez plus de notre iniquité. Regardez plutôt, nous sommes tous votre peuple. La cité de votre saint est devenue déserte. Sion est devenue déserte, Jérusalem est désolée. La maison de notre sanctification et de notre gloire, où vous ont loué nos pères, a été embrasée, et tous nos bâtiments précieux ont été changés en ruines. Est-ce qu'après cela, vous vous contiendrez, Seigneur, vous vous tairez, et vous nous affligerez sans mesure? Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.